ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. La louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans son obéissance. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons réunis dans son paradis. Fa ikhwat al-islam hadi liqa'at al-khayr tatatajaddad wal-fadlu kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. والمنة كلها لله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا من فضله. فهنا الله عز وجل les rencontres du bien qui voici des rencontres du bien qui seront nouvelles. Et le bienfait et tout le bienfait est à Allah سبحانه وتعالى. Et nous demandons à Allah سبحانه وتعالى de nous augmenter ces bienfaits. وقبل البدء في الكلام عن ذي النورين رضي الله عنه وارضاه، اشكر اخواننا القائمين على هذه اللقاءات التي تنظمها جمعيه اسم 42 ولا 42 ها، واشكر كذلك اخواننا الحضور واخواتنا على تحمل المشاق وترك مشاغلهم وظنهم الخير باخوانهم الدعاة وطلبة العلم. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، ويبصرنا وإياكم طريق الحق، ونجعلنا وإياكم من حامل الحق والذابين عن الحق. يبون دو كومونسي دو بارلي دو ذي النورين رضي الله عنه وارضاه لو ترويزيام خليف دو سيت كومينوتي. جو رميرسي نو فرير كي سون ا لوريجين دو سي رونكونتر، responsable de l'association LACEM 42, et comme je remercie nos frères et nos sœurs qui ont délaissé leur maison, qui sont venus peut-être de loin, et qui ont supporté les difficultés, ils ont délaissé leurs préoccupations, et ils ont eu des bonnes suspicions sur leurs frères, demandeurs de science et prêcheurs, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rafferme tous et toutes sur la vérité, et qu'il nous donne la clairvoyance sur la vérité, et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui portent cette vérité, qui défendent cette vérité. Ayyuha al-ikhwa al-kiram, la ikhfa alaykum anna awtan ahli al-islam fi hadhihi al-ayyam ta'ishu hasiban wa jawwan ka'iban wa tamurru bi mihnatin ishtaddat naruha ishti'alan wa lahiban من خلال موجات الاحتجاجات والدعوة إلى الاعتصامات والمظاهرات في الشوارع والساحات العامة. وهذه الثورات كما قيل بين قوسين يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبناء. فقول الله عز وجل musulmane ici et beaucoup de pays de l'islam actuellement. Et cette situation difficile et ces perturbations que nous voyons ici et ailleurs un petit peu partout à travers le monde musulman, et cette fitna dont le feu ne fait que s'allumer et augmenter, à travers ses contestations, ses manifestations, ses sittings et ces révolutions, comme il les appelle, derrière il y a entre parenthèses ceux qui ont un peu de raison, mais en réalité ils sont très loin de la raison, et accomplissent ce genre de sitting, de manifestation des fous qui sont déraisonnés, et en profitent ceux qui n'ont pas de courage. ولا نلقم على الساسة خوضهم في هذه الأحداث لأنها مرتعهم الذي فيه يسرحون ويمرحون ولا نلقم على أهل الإعلام الإعلام تغطيتهم لما يجري لأن هذه صناعتهم التي تمتلئ بها صحفهم وقنواتهم et nous avons rien à reprocher aux politiciens qui sont au milieu de ces événements, parce que là, c'est leur terrain. C'est là où ils broutent. C'est là où ils se sentent. Donc, on ne les concurrence pas sur ce terrain-là, et on ne leur reproche rien. Ils sont ainsi, sur leur terrain. Et on ne reproche rien aux médias, qu'ils soient l'audio, ou ce qui est écrit, ou là un petit peu, parce que ça aussi... C'est leur matière, c'est avec ça qu'ils vivent, et c'est ce qui fait leur existence. La kil musiba, kull al musiba, wa al-raziya kull al-raziya, an ta'ouda wujuhun, tousamu bil wajiha, ila wajihati al-ahdat, bil wajihi al-ma'roufati bih, tubariku mazahir al-ihtijajat, wa al-i'tisamat, wa al-masirat, wa tuzakkiha. وتؤجج فتيل الانفلات والثورات وتوصف كل هذا بالثورة المباركة والدماء الزكية والشعب العظيم وشباب يريد التغيير. Mais notre grande catastrophe, c'est pas le problème des politiciens et des journalistes. C'est ceux qui sont au devant de la scène de la da'wa et qui sont matin et soir sur les chaînes de télé, qui reviennent sur la surface et devant le rideau avec le visage que leur ont reconnu les hommes de science, et ils reviennent avec ce qui est connu d'eux ou ce qu'ils cachaient auparavant, à bénir ces manifestations et ces contestations et à leur donner leur tezkiya et à allumer le feu, hein? Et ils décrivent tout ça par les révolutions bénites, par s'il y a des morts, ils disent que ce sont des sons purs et ils appellent ça ces populations géantes, ils leur donnent des termes, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, salam al-aliyah. Il dit, c'est une jeunesse qui veut le changement. Walakin ikhwat al-islam, ayu taghyirin yajib wa nabhat ala. Huna su'al. Mes frères, on Allah azza wa jal, c'est quoi le changement que nous devons chercher? C'est-à-dire, il dit, c'est une jeunesse qui veut le changement. C'est quoi ce changement qu'il faut chercher? Lequel des changements on veut? Yaqulu azza wa jal, la yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il est dit dans le verset, Allah ne change rien pour un peuple, que ce peuple ne change pas lui-même. Quel changement nous cherchons? وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله ورحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لا يصلح أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها Donc le verset il nous dit, Allah ne change rien au peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Si Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de la clairvoyance à qui il a donné la compréhension des nobles compagnons de Allah, alayhi wa leur tête, ce grand imam, l'imam de la maison d'Hijra, qui est l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit, ne fera le bien de la fin de la communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Hein? Clair et net. Est-ce que le début de cette communauté a fait des sittines? Est-ce que le début de cette communauté a fait des manifestations? Hein? Abadan, qu'on soit éveillé à l'islam. L'islam, il est pur. L'islam, avant la mort de Mohammed alayhi salatu wassalam, a été parachevé. Sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé sur une voie claire. La nuit et le jour sont identiques. Ne dévie de cette voie que celui qui cherche sa perte. La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yaqulu al-ulama, rahimallahu al-amwat. وحفظ الله الأحياء ومتع بهم. هذه الآية تفيد تغييران. En ce qui concerne le verset, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Les hommes de science disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les vivants et les comble de sa sainte miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de sa sainte miséricorde, et donne le Firdaus al-Ada aux morts parmi eux. Ils disent le changement dans le verset suppose deux changements, pas un seul changement, deux changements. At-tghyir al-awwal, taghyir al-qalb wal-amal, wa hada 'ala al-'abdi wa bi tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, wa yashmalu kull shay. يشمل العقيدة وإماتة الأذى عن الطريق والأخلاق والتجارة وكل شيء. كل هذا مرورا بإصلاح القلوب. هذه القلوب التي صدأت وبإصلاح العبادات التي انحرفت عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإصلاح الأخلاق التي فسدت والمناهج التي كسدت. Le premier changement, frère en Allah, Azzawajal, c'est le changement des cœurs et le changement des actes. Et ceci, c'est le devoir du croyant et de chaque individu parmi nous. Et avec l'accomplissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela, ce changement doit concerner les croyances. Nous devons revenir aux croyances sur lesquelles était Muhammad, alayhi salam, et ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Et ça va jusqu'au fait d'enlever le mal sur terre, sur le chemin. En passant par la purification du cœur, ces cœurs qui ont été rouillés. Hein? Il faut les dérouiller un petit peu. Et en passant aussi par les adorations qui ont été déformées de la voix de notre messager, alayhi salatu wassalam. En passant par les mauvais comportements qu'il faut réformer et s'acquérir les comportements de notre messager, de ses nobles compagnons, en passant par la voie qu'il faut rectifier et revenir à la voie de l'épuisé, là, c'est le premier changement. At-tghyir thani, at-tghyir al-waqi', wa hada li rabbina azza wa jalla. تغيير الحال وتغيير الواقع هذا لله سبحانه وتعالى وليس لبشر لا قوة للبشر لتحويل أي شيء والتغييران يا أخي الإسلام الأول والثاني متلازمان ولا يتحقق الثاني حتى يتحقق الأول لأنه شرط فيه ويفسر ذلك قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا دين الله ينصركم الله Et le deuxième changement, c'est le changement de la situation. En général, des personnes, des pays, des peuples, des populations, etc. Et les changements des situations à tous les niveaux. Ceci est entre les mains d'Allah. Zawajal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Il n'appartient pas à l'être humain. Abedin. L'être humain ne peut rien changer. Tout se fait comme le veut Allah et comme l'a décrété Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux changements vont de pair. Et l'un est la condition de l'autre. Ils sont inséparables. Le deuxième changement ne pourrait arriver qu'en accomplissant le premier, que les individus changent eux-mêmes. Hein? Avec l'accomplissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Car le deuxième changement, le premier, il est la condition pour que le deuxième puisse s'accomplir. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala change pour nous, il faut qu'on change nous et qu'on revienne à la voie que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci trouve sa véracité, comme disent les hommes de science, dans l'autre verset qui dit, si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah il vous fera triompher. Wa min huna ikhwat al-islam wajab alayna an nulqi nadratan ala alladhina nasaru Allah نصروا دين الله نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله وعلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فصدقهم الله عز وجل أولئك هم الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وهم الذين قصد الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Partons de là, frère en Allah, si on veut cette réforme, et la réforme dans le bon sens, et comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, comme le gré Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons revoir la biographie de ces hommes qui ont fait triompher la religion d'Allah, qui ont fait triompher la sunna du messager d'Allah, qui était leur vie, était une mise en application de cet islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gréé pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ces hommes qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a été véridique avec eux. Ces hommes qui sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. Ces hommes que l'imam Malik a désigné dans sa parole, ne fera le bien de là. Fin de la communauté, que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Ce sont eux, ces nobles compagnons, le doigt d'Allah. Fama al-khalifati thaliti li hadi l'umma, radiyallahu anhu wa arda, nata'allamu tariq al-islah, wa nata'allamu s-siraq al-mustaqim, alladhi irtadahu Allah subhanahu wa ta'ala lana. Fasahabatu rasulillah, رضي الله عنهم وارضاهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون هم الذين جسدوا لنا الصراط المستقيم وهذا الصراط نطلبه في كل ركعة من صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم فهذا الصراط طريق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبا هريرة وعبد الله بن عمر والصحابة أجمعون هذا هو الصراط المستقيم فإذا نظرنا إلى حياتهم لكي نقتبس منها العقائد والمعاملات والعبادات يكون هذا وسيلة لنا لكي نحقق في حياتنا المشي على الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا والذي نطلبه في كل صلاة. فهنا الله عز وجل avec le troisième khalif de cette communauté pour apprendre la voie de la réforme, pour apprendre ce que c'est que la voie droite, cette voie que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Car les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu salam et à leur tête, les khalifs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Ridwanullahi alayhim, c'est eux qui nous ont tracé le chemin droit. que leur a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, salat al-mustaqim, que nous demandons dans chacune de nos rak'at, de nos prières, guide-nous sur la voie droite, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Donc il est de notre devoir de voir la vie de ces nobles hommes pour apprendre dans leur vie les croyances authentiques, les adorations, comment ils doivent s'accomplir, le comportement avec autrui, que ce soit avec les grands, que ce soit avec les petits, le comportement avec, avec nos femmes, l'éducation des enfants, la politique, le social, tout est dans leur voie, radiyallahu anhu wa ardahu. Et si on cherche d'autres voies pour la réforme, on n'y arrivera pas. Hein? Ça fait plus d'un siècle maintenant que le groupe d'Ikhwan veut le changement pour la communauté. Il y est arrivé. La communauté vit, va de catastrophe en catastrophe avec les Ikhwan, le frisson, comme il a dit cher. Moukhbir Rahimahullah, ainsi il les appelle. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de chemin. Ils ne sont pas partis du point de départ duquel il faut partir, qui est hein? La voie du noble compagnon d'Allah. Donc ils ne peuvent pas arriver. C'est impossible. Enfin, صحابة رسول الله هم الأولون الذين يدخلون في قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولم ها وما بدلوا تبديلا Les nobles compagnons du prophète alayhi salam, ce sont eux en priorité qui rentrent, qui sont concernés par ce verset. Ce sont les véridiques, c'était dans ce verset. Et eux, les premiers qui y rentrent dedans. Il est des croyants, il est des hommes parmi les croyants qui étaient véridiques avec le pacte, qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a été véridique avec eux. Il y a certains qui sont morts et d'autres qui attendent, ils n'ont rien changé. Ceux-là, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان من سلك سبيلهم سعد في الدنيا وفي الآخرة لنبل كومبانون محمد عليه الصلاة والسلام خيرون الله عز وجل سسون دي جوم كالله سبحانه وتعالى أسوجي pour accompagner son dernier message, alayhi salatu wassalam, et pour triompher, faire triompher sa religion. Le fait de les aimer, c'est une religion. Le fait de les aimer, c'est la foi. Le fait de les aimer, c'est la bienfaisance. Le fait de les détester, c'est de la mécréance, c'est de l'hypocrisie, c'est dépasser ses limites. Celui qui prend son chemin, leur chemin, il aura le bonheur dans les deux mondes. Dans ce bas monde et dans le delà. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه Celui dont le prophète a.s.w. a dit, celui qui veut prendre le Coran frais, comme il est descendu, qu'il le prend de Bnommi Abd. Abdullah ibn Saoud, Abba Abdurrahman, radiyallahu anhu arda. Disait, radiyallahu anhu arda, celui qui veut prendre un chemin, qu'il prend le chemin de ceux qui sont morts. À quelle époque il dit ça à l'islam? à une époque qui a reçu les éloges min Allah Azza wa Jal, à une époque où les compagnons étaient encore nombreux. Et il disait, celui qui veut prendre un chemin, qu'il prend le chemin de ceux qui sont morts. Car les vivants, ils ne sont pas épargnés de la fitna. Ceux-là, ce sont les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. C'est leur chemin qu'il faut prendre. Ils étaient par Allah, disait Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, les meilleurs de cette communauté. Et des hommes qui avaient des cœurs dévoués, purs et dévoués pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient ancrés, enracinés dans la science. Ils avaient beaucoup de science. Ils s'imposaient peu dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils s'imposaient peu des choses de ce bas monde. Il dit, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, ce sont des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'accompagner de son prophète alayhi salatu salam et pour accomplir sa religion. Reconnaissez-leur leurs vertus, suivez-les, cramponnez-vous à leur comportement, à leur religion, selon vos capacités, car ils étaient sur la voie droite. إخوة الإسلام أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وأفضل هذه الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فإن الله عز وجل les plus nobles de cette communauté après Muhammad alayhi salatu wassalam et après les prophètes d'Allah azza wa jal, ce sont en premier Abu Bakr, en deuxième lieu Omar, et après ces deux grands vient le troisième homme de cette communauté, le meilleur de cette communauté dans le classement, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda, al-khalifatu al-thalithu lil-muslimin واحد العشرة المشهود لهم بالجنة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض وصحب أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فأحسن صحبته وتوفي عنه رضي الله عنه وارضاه وهو راض عنه وصحب الفاروق رضي الله عنه وارضاه فأحسن صحبته وتوفي رضي الله عنه وهو راض عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين قتيل الدار الذي قتل مظلوما رضي الله عنه وارضاه فقال الله عز وجل le troisième عثمان بن عفان comme vous le savez c'est le troisième خليل de cette communauté c'est l'un des dix qui a été annoncé au paradis. Il a accompagné le messager d'Allah Azza wa Jal. Il a été un bon compagnon du messager alayhi salatu salam. Le messager est mort et il était content et il a agréé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda'ah. Uthman ibn Affan a accompagné Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu durant sa khilafa. Il a été un bon compagnon avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda'ah. Abu Bakr est mort, il était content et il a agréé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda'ah. Uthman ibn Affan a accompagné Omar ibn Khattab durant sa khilafa. Et Omar ibn Khattab était réjoui de la compagnie de Uthman ibn Affan et il est mort et il était content et il a agréé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. L'homme de lumière, l'assassiné de la maison qui a été assassiné et tué injustement, radiyallahu anhu wa arda, kharaja alayhi al-bughat, al-khawarij, wa hiya firqatun dalla, ulaika al-khawarij yukaffiruna al-muslimin. خرجوا عليه واستحلوا دمه ولقي الله مظلوما شهيدا. Les révoltés, se sont révoltés contre Uthman, Ibn Affan, et parmi eux il y avait des Khawarij qui portaient déjà la gangrène du takfir. Ils se sont révoltés contre lui, ils ont rendu son sang licite. Ils l'ont tué injustement et il est mort martyr, radiyallahu anhu wa arda. وعقيدة أهل السنة والجماعة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه أفضل الناس بعد الشيخين أبي بكر وعمر وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. Et les croyances des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna en ce qui concerne Uthman ibn Affan رضي الله عنه وأرضاه, c'est qu'il est le meilleur des gens après les deux grands chefs qui sont Abu Bakr et Omar, et qu'il est le prince des croyants, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. وهاكم الأذلة على أفضلية هذا الرجل الكريم هذا الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة. Et voici les preuves qui te prouvent les vertus de ce noble homme. Cet homme, les anges étaient pudiques devant lui. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله وغفر له, وهذا في جماع بيان العلم فضليل بن عبد البر رحم الله أئمة المسلمين, لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض أفضل من أبي بكر, ولم يكن بعده أفضل من عمر, ولم يكن بعده أفضل من عثمان, ولم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي رضي الله عنه أجمعين. إسحاق بن راهويه dans ce qui est rapporté par عبد البر جامع العلم وفضله, il dit il y avait pas après le prophète عليه الصلاة والسلام parmi les gens un homme qui était mieux, avec beaucoup de vertus, tant que Abu Bakr Siddiq. Ça veut dire qu'Abu Bakr Siddiq était le meilleur après le messager, alayhi salatu wassalam. Il dit, après Abu Bakr, il n'y avait pas un homme meilleur que Omar. Et après Omar, il n'y a pas un meilleur homme que Uthman. Et après Uthman, il n'y a pas un homme meilleur sur terre que Ali, radiyallahu anhu wa arda. Et ce sont les khalifs bien guidés de ces khalifs. Radiyallahu anhu wa arda. Et après vient les insensés de la littérature arabe, ils te disent que la khilafa de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu est une faille entre la khilafa des grands cheikhs, des deux cheikhs qui sont Abu Bakr et Uthman. Waladat adilla kathira tadullu ala fadli Uthman ibn Affan wa ala annahu afdalu an-nas ba'da ash-shaykhayn radiyallahu anhum ajma'in. Les preuves sont nombreuses pour nous prouver les vertus de Uthman ibn Affan et comme quoi Uthman ibn Affan était le meilleur des hommes après les deux cheikhs qui sont Abu Bakr et Omar. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فيما خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعذل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. Voici une preuve rapportée par Imam Bukhari رحمه الله تعالى. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه de nous dire à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, l'homme qu'on mettait au devant de tout le monde et le meilleur parmi tous, Abu Bakr. Et après on mettait Omar, et après on mettait Uthman, et après on faisait pas, on cherchait pas à faire le classement entre les autres compagnons. Devant le prophète, et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il mettait dans le rang des premiers et des meilleurs, Abu Bakr en premier, qu'on déplaise à Rawafid. Ils mettent Omar en premier, qu'on déplaise à Rawafid. Ils mettent Uthman en premier, qu'on déplaise à Rawafid. وهذا الحديث أخذ الإسلام في صحيح الإمام البخاري رحمه الله يدل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل الناس بعد الشيخين ورغم أنف من يبغض صحابة رسول الله فالبغض بهم أولى. Ce hadith, frère Allah عز وجل, prouve que Uthman ibn Affan Et le meilleur des gens après Abu Bakr et Uthman, qu'on déplaise à ceux qui détestent les compagnons de Mohammed alayhi salam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم من رأى منكم رؤيا اليوم فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر بعمر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم un jour il a dit à ses nobles compagnons qui a fait une vision cette nuit un homme a dit moi et رسول الله il dit qui s'était vu cette nuit J'ai vu une balance comme si une balance descendait du ciel. Et après, dans le plateau d'une balance, tu étais dans l'autre plateau, il y avait Abu Bakr Siddiq, tu as pris le dessus sur Abu Bakr Siddiq. Et après, j'ai vu que Abu Bakr Siddiq était dans l'un des plateaux de la balance et Omar était dans l'autre côté. Et Abu Bakr après, le dessus sur Omar. Et j'ai vu Omar avec Uthman dans chacun dans l'un des plateaux de la balance et Omar a pris le dessus. Et après la balance est remontée au ciel. Et à ce moment-là, les compagnons qui rapportent le hadith disent, nous avions vu une colère sur le visage. Le Rasoul a détesté cette situation. Et le hadith dit qu'il dit Ahlul Ilm. Hada al-hadith fihi isharatun ila tartib al-khulafa'i thalata fil fadl. كما تضمن الإشارة إلى أن ترتيبهم في الخلافة يكون على حسب ترتيبهم في الفضل وإلى حقية خلافتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ce hadith des raisons de science, il y a la lésion dans ce hadith à l'ordre de la khilafa de ces trois hommes, Abu Bakr en premier, Omar et Uthman. Et que aussi dans ce hadith, il y a le fait que Abu Bakr a plus de vertu que Omar et Omar a plus de vertu que Uthman ainsi de suite et ainsi ils doivent être dans la khilafa et ainsi ils étaient radiyallahu anhu arda wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ha'itan wa amarani bi hifdhi bab al-ha'it fa jaa'a rajulun yasta'din fa qala idhan lahu wa bashshirhu bil jannah فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم إذا جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهذا عند الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله أئمة المسلمين Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda dans ce qui est rapporté par Imam Bukhari ou l'Imam Muslim radiyallahu anhu majma'in wa rahimallahu a'immat al-muslimin il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans une palmerie et il lui a ordonné de garder la porte et tout d'un coup un homme est venu pour demander l'autorisation parce qu'il savait que le prophète était à l'intérieur pour rentrer et Abu Musa al-Ash'ari est allé voir le messager d'Allah Il lui a dit, il y a tel qui est derrière la porte, c'est-à-dire Abu Bakr, est derrière la porte. Il a dit, ordonne-lui de rentrer et annonce-lui le paradis. Il est rentré. Quand un deuxième homme est arrivé pour rentrer, Abu Musa al-Ash'ari est allé voir le prophète, alayhi sallam, il lui a dit, tel, c'est-à-dire Omar al-Khattab, donne-lui l'autorisation de rentrer et annonce-lui le paradis. Un troisième est arrivé. Et quand Abu Musa al-Ash'ari lui a annoncé qui c'était, Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu un laps de temps avant de répondre. C'est eu un laps de temps. Et après, il lui a dit, autorise-lui, donne-lui l'autorisation, laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis avec une preuve qu'il va subir. Annonce-lui le paradis avec une preuve qu'il va subir. Et c'était Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr fil Jannah, وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخر العشرة. والحديث عند الإمام البخاري. Dans un hadith, le Rasoul il a annoncé les 10 premiers au paradis. Il a dit, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, jusqu'à la fin des 10, c'est le hadith il est rapporté par Imam Bukhari. هذا الحديث إخوة الإسلام يقول العلماء أنه تضمن فضيلة هؤلاء المذكورين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وأنهم من أهل الجنة وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بقصة البلوى وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى وهذا قاله الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. Dans ce hadith, les hommes de science, comme dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dans son interprétation de Sahih Muslim, ce hadith contient les vertus de ceux qui sont cités et à leur tête, Abu Bakr, Omar, Uthman. Et que ce sont des gens du paradis. Et là aussi, il y a un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'il a annoncé l'histoire de l'épreuve et ce qui va arriver à Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala qui est du domaine de l'invisible qui lui a sinon Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a annoncé et il est dedans que les trois hommes vont rester sur la foi et la bonne voie radiyallahu anhu majma'in wa an abi abdirrahman kullu hadha yubayn laka madha فضل عثمان بن عفان وعن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه حين أن عثمان رضي الله عنه حين حصر أشرف عليهم من فوق الدار وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما وهي عين في المدينة اشتراها عثمان ووسعها فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته قال فصدقوه بما قال رضي الله عنهم وأرضاه والحديث عند الإمام البخاري. Abu Abd al-Rahman radiallahu anhu de nous dire que Uthman ibn Affan, au moment où on assiégeait sa maison, il est monté sur la terrasse. Il a dit, je vous demande par Allah. Et je ne demande que aux compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam. Est-ce que vous savez, il leur a dit, est-ce que vous savez que le messager d'Allah azza wa jal a dit, celui qui creuse le puits de Roma, c'était une source à Médine que Uthman a acheté. Et il a élargi cette source et ce puits pour que les musulmans puissent avoir de l'eau. Il dit, celui qui l'achète et celui qui la creuse, il aura le paradis. Et je l'ai fait, il a dit Uthman ibn Affan. Est-ce que vous savez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui va donner le pactage et financer l'armée de la difficulté. Cette armée qui allait vers Tabouk pour le combat des Romains. Celui qui va financer cette armée, il aura le paradis. Et je l'ai fait. Tous les nobles compagnons ont dit oui, c'est vrai. Et dans le hadith, il lui a été annoncé le paradis. هذا الحديث يقول العلماء فيه منقبتين عظيمتين لذي النورين رضي الله عنه وارضاه شراؤه بئر روما تزهيجه جيش العسرة الذي خرج لغزوة تبوك وقد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الجنة وهاتان المنقبتان من أعلى مناقبه رضي الله عنه وارضاه. Donc ce hadith disent les hommes de science contient deux nobles et deux géants de vertu pour Uthman ibn Affan رضي الله عنه وارضاه, l'homme de lumière. Il a acheté le puits de Roma et il a donné le pactage et le moyen pour qu'on achète le pactage pour l'armée de la difficulté qui allait pour la bataille du Tabouk. Et celui qui ne parle pas de ses propres passions, qui est Mohammed alayhi salam, a annoncé que celui qui accomplit ses actes sera parmi les gens du paradis. Et ça, ce sont deux nobles vertus. لدن نورين رضي الله عنه وارضاه. وعن ثمامة بن حزم القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليه عثمان فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين اللباكم عليه, قال فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. ثمامة بن حزم القشيري radiyallahu anhu arda, قال, j'ai assisté à l'époque où ils ont siégé la maison de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda, les révoltés, et Uthman ibn Affan, il leur a dit, ramenez-moi vos compagnons qui vous ont excité contre moi et qui vous ont remonté contre moi. On lui a ramené les deux hommes. Il dit, le rapporteur du hadith, on dirait deux chameaux qui arrivent ou deux ânes. قال فأشرف عليهما عثمان فقال أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رؤمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير لهما منهما في الجنة. Il leur dit, quand il les a vus en bas, et lui toujours en haut, je vous demande par Allah et par l'islam, est-ce que vous savez que quand le messager d'Allah est arrivé à Médine, il n'y avait aucune eau douce dans Médine à part le puits de Roma. Et le messager d'Allah Azza wa Jalla a dit, qui achète le puits de Roma et qui fasse que l'eau soit pour les musulmans et que son seau soit parmi les autres seaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun privilège. Il l'achète, il la met aux musulmans, et si lui il a besoin d'eau, il ramène son seau, il prend son... Il fait, comment vous dites, la queue pour avoir l'eau avec tout le monde. Et celui qui le fait, il aura le paradis. فقال عثمان رضي الله عنه فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. قالوا اللهم نعم. Il a dit رضي الله عنه وارضاه, et je l'ai acheté par mes propres moyens, par mon argent. Et aujourd'hui vous m'interdisez de boire de cette eau et que je dois boire de l'eau de la mer. Ils lui ont dit, certes, par Allah, c'est vrai ce que tu dis. فَقَالَ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا اللهم نعم. Il leur a dit, je vous demande par Allah et par l'islam, est-ce que vous saviez que la mosquée est devenue trop étroite pour les musulmans? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui achètera la terre de tes familles et qui la rajoute à la mosquée et que ce soit un prolongement de la mosquée, et il aura mieux que ça au paradis. Je l'ai payé par mes propres moyens, par ma propre fortune, je l'ai payé. Et aujourd'hui, vous m'interdisez de prier dans le cadre dedans. Ils ont dit, par Allah, c'est vrai. قَالَ أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ وَبِالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَبِيرٍ مَكَّةَ أي جبل في مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض. قال فركضه برجله فقال أسكن تبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، أني شهيد، أني شهيد. ومع ذلك قتلوه، قاتلهم الله. إلو غادي جو دوموند باغ الله اي باغ الإسلام، اسكو فو سافي كو الرسول صلى الله عليه وسلم ايتي سور لا مونتان دو لا ريجون دو مكة، سور لا مونتان دو ثابير، اي جيتي يا في أبو بكر اي عمر اي موا، اي تو دان كو ثابير بوجي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوني ان كو دو بيي، il lui a dit calme-toi Thabir, sur ton dos il y a un prophète, un véridique et deux martyrs. Ils lui ont dit par Allah c'est vrai. Et là Uthman ibn Affan a dit Allahu Akbar, ils ont attesté pour moi le martyr, ils ont attesté pour moi comme quoi je suis martyr, il l'a dit trois fois. Radiyallahu anhu wa arda. Malgré tout ça, les révoltés l'ont tué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie comme il le mérite. Wal hadith fi sunan al-Tirmidhi, le hadith dans sunan al-Tirmidhi, l'imam al-Albani a dit que c'est un bon hadith. Wa an Abdul Rahman ibn Samura radiyallahu anhu majma'in qal ja'a Uthman radiyallahu anhu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi 1000 dinar حين جهز جيش العشرة قتلها في حجره. قال عبد الرحمن فرأيت النبي الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهو كذلك في سنن الترمذي. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وارضاه نجيه ك عثمان بن عفان إلى أمنه 1000 دينار pour le pactage de l'armée de la difficulté. Et il l'a donné, mis dans le juron du prophète, alayhi sallatou salam. Abdurrahman a dit, j'ai vu le messager d'Allah tourner cet argent dans son juron et dire, aucun mal, rien ne fera du mal à Uthman. N'importe qu'il fait Uthman ibn Affan, il n'y a aucun mal qui va l'atteindre. Il l'a dit deux fois. صلوات ربي وسلامه عليه. حديث الشيخ لسيد الترمذي. ولما حصر عثمان رضي الله عنه وارضاه واحيط بداره اشرف على الناس فقال نشدثكم بالله، هل تعلمون ان رسول الله قال في غزوه العسره وهي غزوه تبوك، من فق نفقه متقبله والناس مجهدون محسنون، جهزت ثلث ذلك الجيش من مالي. فقال اللهم نعم. وهو في سنن الترمذي كذلك. Et quand il y a eu le siège autour de la maison de Uthman ibn Affan, il s'est levé sur la terrasse et leur dit, je vous demande, il a dit aux gens, je vous demande par Allah Azza wa Jal, est-ce que vous savez que le message d'Allah Azza wa Jal a dit pour la bataille de la difficulté, la bataille de l'Usra, qui est la bataille du Tabouk, qui dépense une réponse acceptée direct, une dépense acceptée. On sait que les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sont exaucées. Alors qu'à cette époque, les gens étaient en difficulté. Hein? Difficulté. Et Uthman ibn Affan, il a dit, j'ai armé le tiers de cette armée avec ma fortune. Tout le monde a dit, certes, c'est vrai. Et ceci est rapporté par Tirmidhi. فأنت ترى أخ الإسلام شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالجنة في شرائه بئر روما وحبسها على المسلمين غنيهم وفقيرهم وزيادته في المسجد وتجهيزه لجيش العسرة، مع قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ان الله عز وجل تي فوا l'attestation, comment ce témoignage fait le prophète alayhi salatu wasalam vis-à-vis de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Il lui a attesté le paradis par le fait d'avoir acheté le puits de Rome et d'avoir mis le puits au service des musulmans. Riche et pauvre. Et le fait d'avoir augmenté la mosquée. Hein? Et le fait d'avoir armé l'armée qui allait à la bataille de Tabouk. Et en plus de ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a rien qui fera du mal. N'importe quel acte ne fera plus de mal à Uthman ibn Affan radiallahu anhu après aujourd'hui. Et ceci est l'équivalent de la parole du prophète alayhi wa sallam qui a dit concernant les gens de la bataille de Badr, qu'est-ce que tu en sais que Allah subhanahu wa ta'ala a vu la situation des gens de Badr et qu'il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. فكل هذه الخصال المذكورة أخي الإسلام وهذه الفضائل من أعظم مناقب ذي النورين حصير الدار رضي الله عنه وارضاه وذكرها يوم كان محصورا في الدار رضي الله عنه وارضاه يوم كان محصورا من قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض وصدقه بها كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفضلاؤهم وهم الذين سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مثل سعد بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة الله عليهم أجمعين وخيرون الله عز وجل disent les hommes de science tous ces vertus cités, ce sont des grandes vertus qu'avait ce noble imam et qu'avait Dinnourain radiallahu anhu arda. Et ses vertus, lui-même, il les a citées le jour où il était assiégé dans sa maison par les révoltés qui sont sortis pour faire le mal sur terre. Et les grands compagnons de cette époque lui ont donné raison. Ils ont dit qu'il était véridique dans ce qu'il annonçait. Et les meilleurs de ses nobles compagnons, qui l'ont entendu directement, les annonces et les attestations du prophète al-Sallam, l'ont entendu directement de la bouche du prophète al-Sallam, comme Saïd ibn Abi Waqqas, et Ali, Ridwanullah alayhi, Zubayr, et Talha et d'autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Taqul Aisha, Isma' akha al-Islam. لكي ترى منزلة عثمان بن عفان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدثا ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر صحابة رسول الله تقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ألا أستحييك من رجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ويأتي البقاة ويقتلونه ظلما ويأتيك أدباء آخر الزمان ويقولون أن خلافته فجوة بين خلافة الشيخين أين ذهبت العقول وقال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكل هذا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاها la véridique fille du véridique qu'on déplaise à ceux qui la détestent et qu'on déplaise à Rawafim dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il était allongé chez elle et ses cuisses était nu. C'est-à-dire, son tissu, son lézard était remonté. Hein? Ses cuisses s'émoulaient. Et tout d'un coup, Abu Bakr as-Siddiq a demandé l'autorisation pour rentrer. Rasoul Salah lui a donné l'autorisation, il est rentré. Et Rasoul Salah n'a pas bougé, il est resté dans la même situation. Ils ont discuté un petit peu. Tout d'un coup, Omar ibn Khattab vient et demande l'autorisation de rentrer. Il rentre, Rasoul Salah n'a pas bougé, il est resté dans la même situation. Avec ses cuisses, hein, le tissu sur ses cuisses relevé. Et tout d'un coup, Uthman ibn Affan a demandé l'autorisation de rentrer. Et tout d'un coup, Rasoul Salah s'est levé, il s'est assis, il a tiré son tissu. La véridique, fille du véridique, radiyallahu anhu ardaha, le geste ne lui a pas échappé. Et il a posé la question à Rasoul Salah s'il, pourquoi Abu Bakr est rentré, Omar est rentré, mais tu es resté dans la même situation. Uthman est rentré, tu t'es levé, tu as couvert tes cuisses. Écoute, hein, regarde cette médaille sur la poitrine de ce noble compagnon de la part de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Ne serait-ce, j'allais pas, est-ce que je ne vais pas être pudique devant un homme devant lequel les anges sont pudiques, hein? Je ne vais pas être pudique devant un homme devant lequel les anges sont pudiques. Radiallahu anhu arba. Et après arrive. Ah, les intellectuels de la dernière minute, ils te disent que sa khilafa est une faille entre eux, la khilafa des deux grands chers. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté par Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, le plus clément pour ma communauté, de ma communauté pour ma communauté, c'est Abu Bakr. Et le plus ferme en ce qui concerne, hein, la religion d'Allah, c'est Omar. Et le plus pudique de cette communauté, c'est Uthman, radiyallahu anhu. Ainsi il était, radiyallahu anhu. Et ils l'ont tué injustement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve le châtiment qu'il mérite. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا نزلت الفتنه فالذي على الهدى هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدلك أخ الإسلام على أن الذين تمردوا وخرجوا على عثمان كانوا على الباطل وكانوا على الضلالة. فالذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وجاء أميرهم وصلى بالناس في المسجد النبوي فرقة ضالة ما زال المسلمون إلى يوم الناس هذا يعانون من أفكارها ومن فتنها ولا زالوا يستحلون دماء المسلمين فلتكن منهم على حذر أخ الإسلام. وقال فرعون الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم nous a annoncé qu'on t'arrivera la fitna. Il a annoncé aux compagnons quand arrivera la fitna, celui-là il sera sur la guidée. Il faisait allusion à Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa. Et ça prouve que ceux qui se sont révoltés contre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa font partie des révoltés des Khawarij et qu'ils étaient dans le faux et dans l'égarement à l'islam. Ceux qui ont assassiné Uthman ibn Affan, leur émir est arrivé et il a pris l'imam devant les gens dans la mosquée du prophète. C'est un groupe d'égarés et d'égarements. Et la communauté musulmane ne cesse de souffrir des pensées et des principes fondamentaux de ces groupes et de leurs pensées. Et le fait de rendre mécréants les populations musulmanes, d'exciter les gens à se révolter contre leur gouverneur et ainsi de suite, après avoir rendu ces gouverneurs et ces populations mécréantes. Et tu dois faire très attention à tous ceux qui portent cet esprit à l'islam. Et tu dois surtout faire attention à leurs beaux parleurs. Parce qu'il y a une catégorie parmi eux qui est plus dangereuse que l'autre. Il ne sort pas. Mais il a une arme destructrice qui détruit et qui forme la langue à l'islam. Il ne cesse d'injecter son venin et d'injecter la haine des musulmans contre leur gouverneur jusqu'à ce qu'il éclate comme des bombes. Comme ce que vous voyez là maintenant. Hein? Et ce qu'il y a de très bizarre maintenant, c'est que même ceux qui sont loin de la religion parmi les laïcs font la même chose, ont excité cette communauté. Quand on revient vers les archives de l'Khassira, avant la révolte de Tunisie, on voit comment ces laïcs qui appellent à la démocratie, à la laïcité, comment ils excitaient les Arabes et les musulmans contre leur gouverneur. 2 mois après, le feu a éclaté. Ils se réunissent tous. Pourquoi ? Pour combattre la pureté de l'islam et pour combattre la voie pure. Hein? Certains, hein? Par des buts politiques, d'autres pour des financements, d'autres ils veulent, ah, c'est sa chance, notre situation va changer, ta situation va changer en pire, tu verras. Regarde la fitna maintenant qui s'est ouverte, cette brèche qui s'est ouverte en Tunisie, la brèche qui est ouverte un petit peu partout, en Libye, partout. Hein? Où est la sécurité maintenant? وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والمسلمين إذا نزلت الفتنة أن يلتفوا حول عثمان بن عفان وهذا دليل على مصداقية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أغضني كنت لا فتنة أغيب السنوب لكمبانيون كنت لا فتنة أغيب كل كمبانيون دواف سيني غطور دو عثمان بن عفان رضي الله تعالى وارضاه. Et ça, c'est l'une des preuves de la véracité de ce messager, alayhi salatu wassalam, qui a annoncé que la fitna allait arriver. C'est quelque chose qui arrive dans le futur. Donc, c'est du domaine de l'invisible. Allah lui a annoncé. Hein? An-Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu wa arda, قال, ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع المقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوتبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت رسول الله فقلت هذا والحديث في سنن ابن ماجة رسول صلى الله عليه وسلم un jour comme il est rapporté par Tirmidhi par d'autres. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayh dans son commentaire sur Sunan ibn Majah. Il a ordonné au noble compagnon, hein, il a dit, quand il leur a parlé de la fitna, il leur a parlé de la fitna à tel point qu'il la sentait très proche. Et un homme est passé, il était enturbané. Et son turban passait devant son visage. Donc on ne voyait pas qui c'était. Et quand il est passé devant le prophète, il leur a dit, le jour de la fitna, quand il y aura la fitna, cet homme-là sera dans la guidée et dans la bonne voie. Hein? Et l'un des compagnons est allé. Il a attrapé Uthman ibn Affan. Il dit, celui-là? Il dit, oui, celui-là, il sera sur la guidée et sur la bonne voie. Wa qalat Aisha radiyallahu anha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجدت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخلا به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهل مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم وهو في سنن ابن ماجه. عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها جنوديه الرسول صلى الله عليه وسلم lors de sa maladie, elle dit, j'aurais aimé que mes compagnons soient là. Aïcha lui a dit, on t'appelle Abu Bakr. Le prophète s'est tué. Alors on t'appelle Omar. Le prophète s'est tué, il n'a pas répondu. Et alors on t'appelle Uthman. Et là, il a dit, oui, appelez-le. Et ils sont restés en tête à tête. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Uthman, radiyallahu ta'ala anhu warda, et le visage de Uthman change. Hein? Chaque fois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parlait, son visage il changeait. Qais, il dit que Abu Sahla, qui était le serviteur d'Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu majma'in, il a dit que le jour où Uthman était assiégé dans la maison, Uthman a dit, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala m'a annoncé quelque chose et je vais vers cette chose. Ali radiallahu anhu arda, quand il a parlé de ce hadith, de cet événement, il a dit dans son hadith, et je suis patient jusqu'à ce que j'y arrive. C'est-à-dire que Uthman patientait jusqu'à ce qu'il lui arrive, ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a promis, il lui a annoncé. Qais de le dire, et nous voyons que ce jour-là, c'était le jour de l'assiégement de la maison, c'est-à-dire le jour de l'assassinat de Uthman radiallahu anhu arda. Faman huwa Uthman ibn Affan, ikhwat al-Islam. عجبا عجاب الاسبوع الماضي ارى طفل من الناس مرضى بالكوره وفي المدينه اللي اسكنها مرضى بفريق في هنا في اسبانيا هذا برصاوي هذا ورايت طفل على ظهري اسم لاعب كوره فقلت له تعرف ابو بكر قال لي لا لاعب كرة هذا؟ إلى هذا وصلنا. كان مرة كذلك في شمال فرنسا هذا منذ سنوات تكلم البعض أتعرف عائشة؟ كعائشة أنا أعرفها. عائشة هذا الكوفيتي الذي أكله في الصيف في المغرب. لهذا الحد وصلنا. والله هذا لا يضحك، هذا يبكي يا أخي الإسلام، هذا يبكي. أهم رجال الأمة وترى أطفالنا وبناتنا لا يعرفونهم، فهذا يبكي، هذا من المحزن المبكي ولا يضحك أبدا أخ الإسلام. إلى هذا الجهل وصلنا أخ الإسلام. أولئك عزنا وإليك التشبه بهم واقتفاء أثرهم يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نعرفه ويجهلهم أبناؤنا. فإن الله عز وجل والله لي دي سيتواسيون كي سون دي سار كي سي عثمان بن عفان لا سيمين دغنيير افون داريفي اون تو لو كا ايسي افي لا لي جون سون بيرتوربي لي جون بار ميم لي فام اخر الاسلام بار دي فوتبولور اي بار دي زيكيب دايور دو مي كريون دون لا فيل جو سوي سون مالاد بارسلونا و اي لوتر ريال والله الذي لا اله الا هو je passe en sortant de la mosquée il y avait un vendeur de poissons et une femme une vieille il dit au vendeur de poissons qu'est-ce qu'il a fait le Barça une vieille et je vois un jeune petit de 12-13 ans il avait un t-shirt de cette équipe Barça avec un nom d'un joueur. Je dis que c'est celui-là, il me dit, ah, le joueur. Subhanallah. Et je dis, tu connais Abu Bakr? Il me dit, non, c'est un joueur de quelle équipe? Andak. Et il y a quelques années dans le Nord, j'ai entendu une bonne sa question à quelqu'un, tu connais Aïcha, petit garçon, même petite fille. Il dit, Aïcha, c'est un petit Marocain. Aïcha, la confiture Aïcha qu'on mange au Maroc quand on est l'été. Hein. À ce point-là. Et ceci, wallahi, il ne faut pas en rigoler, il faut en pleurer. Parce que être à ce degré d'ignorance de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce sont eux nos emblèmes sur le chemin qui va nous ramener vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est une catastrophe. Ceci est une catastrophe. Que le petit gamin de 12 ans, il connaît tout sur un joueur d'une équipe de mécréants, il ne connaît pas Abou Bakr, que tu dises de quelle équipe il est. C'est une catastrophe, à l'islam. Quelle génération? Il va aller vers où cette génération? Uthman ibn Affan, à l'islam. Uthman ibn Affan, ibn Abi al-As, ibn Umayya, ibn Abdi Shams, ibn Abdi Manaf, يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. عثمان بن عفان أخا الإسلام يسابل عثمان de son prénom بن عفان son père بن أبي العاص بن أمية devient le nom des Umayyades. بن عبد شمس بن عبد مناف يا عبد مناف يا l'union avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans l'arbre généalogique, à Abdou Manaf, s'unisse l'arbre du généalogique de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Kana Uthman fil jahiliyati yukanna bi Aba Amr. Fama wulida la, falamma wulida lahu min Ruqayya bint Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam, sammahu Abdullah, waktana bih, fakannahu al-muslimuna Aba Abdillah. Durant l'époque de la période pré-islamique, on l'appelait Aba Amr. Et quand il a eu un enfant de la fille du prophète, il l'a appelé Abdullah. Et après cela, on lui a donné le signe musulman, on l'a appelé Abu Abdillah. Radiallahu anhu wa Allah. Kana Uthman kadhalik yulaqab bi dhin nourain. On l'appelait aussi l'homme des deux lumières. عثمان بن عفان أخا الإسلام في الجاهلية كان من أفضل الناس في قومه. Il était le meilleur des hommes à l'époque de la à la période pré-islamique. Pendant la période pré-islamique, il était le meilleur des hommes dans sa communauté. Et parmi les siens. كان عريض الجاه ثري شديد الحياء عذب الكلمات فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه لم يسجد في الجاهلية لصنم قط ولم يقترف فاحشة قط ولم يشرب خمرا قبل الإسلام يقول رضي الله عنه وأرضاه ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام رضي الله عنه وارضاه والخبر صحيح وهو عند الطبراني وغيره أن الله عز وجل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه كنت دون بيروت بري إسلاميك il était le meilleur parmi les siens. Il avait une énorme fortune. Il était très pudique. Hein? Il donnait beaucoup. Il avait des paroles douces. Il ne disait que des paroles douces. Son peuple l'aimait beaucoup. Il le respectait. Pendant la période islamique, pré-islamique, avant l'islam, il ne s'est jamais prosterné à une statue. Abadan. Jamais il a commis un blâmable. Il n'a jamais vu de vin et d'alcool avant l'islam. Abadan. Il dit, radiyallahu anhu, je n'ai jamais chanté. J'ai jamais convoité ce qu'ils ont les gens. J'ai jamais touché ma partie intime avec ma main droite depuis que j'ai fait avec ma main droite l'allégeance au message d'Allah Azza wa Jal. J'ai jamais vu d'alcool durant la période islamique, pré-islamique, ni j'ai commis de l'adultère durant la période pré-islamique, ni pendant l'islam. Abadan. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من السباقين إلى الإسلام أخا الإسلام il était parmi les premiers à se convertir à l'islam, frère en Allah Azza wa Jal. كان رضي الله عنه وارضاه قد ناهز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين للإسلام ولم يعرف عنه تلكؤ أو تلعثم بل كان سباقا أجاب على الفور دعوة الصديق رضي الله عنه وارضاه فكان بذلك من السابقين الأولين حتى قال أبو إسحاق في السيرة كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة وعثمان فكان بذلك رابع من أسلم من الرجال عثمان بن عفان était parmi les premiers qui ont répondu à l'appel de l'islam les premiers à se convertir et quand il s'est converti il avait l'âge de 43 ans رضي الله عنه وارضاه quand عثمان أبو بكر الصديق lui a fait دعوة il a appelé vers l'islam Il n'a pas hésité un instant. Il a répondu tout de suite. Pas à l'ombre d'une hésitation. Tout de suite, il a répondu à la da'wa que lui a fait Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu arda. Donc, partant de là, il faisait partie parmi les premiers qui se sont convertis à l'islam, comme le rapporte Abu Ishaq dans sa sira, dans la biographie du messager alayhi salatu wassalam. Il dit qu'il faisait partie parmi les premiers gens qui se sont convertis à l'islam. Après Abu Bakr et Ali, Zayd ibn Haritha, il y a eu Uthman. Donc, partant de là, il est le quatrième homme, quatrième, premier homme qui est rentré dans l'islam. Il faisait partie des quatre premiers. Radiallahu anhu wa arda. Fariha al-muslimouna kathiran bi islami Uthman ibn Affan. Wa tawainahu wa bainahum ura al-mahabbati wa ukhwata al-iman. وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وبعد وفاتها الأخرى رضي الله ولذا لقب بدين نورين Les musulmans étaient réjouis de la conversion de Uthman ibn Affan رضي الله عنه وارضاه une liaison très forte une liaison de foi et d'amour qui est liée aux musulmans Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, il s'est marié d'abord avec la première fille du prophète alayhi salatu wassalam quand il était mort. Il s'est marié avec une deuxième des filles du prophète alayhi salatu wassalam et c'est pour ça qu'on l'appelle des Nourain, l'homme de lumière. Radiallahu anhu wa ta'ala. Uthman ibn Affan akhad islam ta'arrada ba'da islamihi lil'idha wa ta'dib min kuffar Mecca. Fadafa'ahu dhalika ila al-hijratayn. Hijratun ila al-Habasha. ثم إلى المدينة. أن الله عز وجل عثمان بن عفان quand il s'est converti, il a subi beaucoup de la part des mécréants de Quraysh. Ce qui l'a poussé à faire les deux immigrations, la migration vers l'Abyssinie et la migration et puis la migration vers Médine. رضي الله عنه وارضاه. Il a immigré pourquoi? Pour sauver sa religion à l'islam. Hein? Et regarde, nous, on traverse la mer, pourquoi? Regardez la différence à l'islam. Yaqulu, radiyallahu anhu wa Allah, amma ba'du, fa inna Allah ba'ata Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bilhaq, fa kuntu mimman istajaba lillahi wa li rasulihi wa amantu bima bu'itha bih, wa hajartu al-hijratayn. Hada al-shahid à l'islam. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت رضي الله عنه وارضاه هذا أخرجه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى والحديث صحه الإمام الألباني رحمه الله عليه إيه Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa arda, il a fait les deux immigrations. Les deux migrations vers l'Abyssinie et vers Médine. Il a dit, radiallahu anhu wa arda, et après, par Allah qui a envoyé Muhammad, dans une khutbah, il a dit, par Allah qui a envoyé Muhammad avec la vérité, j'étais parmi ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager. Et j'ai cru aux les choses avec lesquelles ce messager a été envoyé. Et j'ai fait les deux immigrations. C'est ça le témoignage dans cette khutbah. Fait les deux immigrations, l'immigration vers Médine et l'immigration, la première, vers l'Abyssinie. Et j'ai accompagné le messager d'Allah et j'ai donné l'allégeance au messager d'Allah, Azzawajal, par Allah, jamais j'ai désobéi au messager d'Allah, Azzawajal, jamais je l'ai trahi, jusqu'à ce qu'il soit mort. Et après j'ai fait de même avec Abu Bakr Siddiq. Et après j'ai fait de même avec Omar ibn Khattab. Et après je suis devenu le khalif de la communauté. Et ceci est rapporté par Abu Daoud, authentifié par Cheikh Nasser rahimahullah ta'ala. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى من أعف الناس فلم يعرف طريق الفحشاء في الجاهلية ولا في الإسلام. Il était chaste رضي الله عنه وارضاه. Il n'a pas connu le chemin du blâmable, ni pendant la période pré-islamique, ni pendant l'islam. Ni alcool, ni adultère, rien de tout ça. رضي الله عنه وارضاه. قال رضي الله عنه عندما حاصره البغاة ليقتلوه ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط وهذا هو الشاهد على عفافه ولا أحببت أن لي بديني بذلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني هذا للشيخ أبي داود رضي الله عنه وارضاه dans ce qui est rapporté par Abu Daoud quand les bourgades ont assisé sa maison pour l'assassiner. Elle dit, pourquoi ils me tueront? Pourquoi ils veulent me tuer? J'ai entendu le messager d'Allah, Azza wa Jal, dire, pas tuer quelqu'un et rendre licite le sang de quelqu'un qu'avec trois choses. Une mécréance après l'islam. Et ceci, ce n'est pas à toi de le faire, ni à moi. Ça, c'est le gouverneur musulman qui doit le décréter. Andak, hein? Je ne joue pas avec ça. Là, il m'a écrit. Il faut qu'on fasse la sentence. La abadan akhal islam. Andak, wayak. Il y a des domaines que tu ne dois pas transgresser. Hein? Sinon, voilà, tu es sur une pente de perdition. Donc, mécréance après islam, ou quelqu'un de marié, ou qui a été marié, qui a été protégé par le mariage, qui tombe dans l'adultère, ou quelqu'un qui a tué quelqu'un, volontairement comme ça, sans que cette personne. Il méritait le fait d'être mourir, qu'il lui fait quoi que ce soit. Hada, ces trois cas-là, il a entendu, Uthman ibn Affan a entendu que ces lèvres doivent être tués. Mais celui qui doit leur faire subir la sentence, c'est le gouverneur, c'est pas toi, Khal Islam, ni moi, Abedan. Il dit, radiallahu anhu arda, par Allah, je n'ai pas commis d'adultère, ni pendant la période pré-islamique, ni pendant l'islam. Et ça, c'est le témoignage de la chasteté de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Et je n'ai pas aimé changer ma religion après que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé. Et j'ai tué personne. Pourquoi ils vont me tuer? Pourquoi ils veulent me tuer? J'ai rien fait de tout ça. Radiallahu anhu wa arda. Qala radiallahu anhu wa arda. Ma taghannait. Wa la tamannait. Wa la masastu dhakri. Dhakri bi yamini mundu bay'atu biha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wa la sharibtu khamran. Fi jahiliyatin wa la fi islam. ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام وهذا دليل على عفافه رضي الله عنه وارضاه إلى ذيك الله سبحانه وتعالى لقغي je n'ai pas chanté je n'ai pas convoité jusqu'aux les gens je n'ai pas touché mes parties intimes avec ma main droite depuis que je donnais l'allégeance au messager d'Allah Azza wa Jal, je n'ai pas vu d'alcool ni pendant la période pré-islamique ni dans l'islam. Et je n'ai pas commis d'adultère, ni pendant la période pré-islamique, ni pendant l'islam. Et ça, c'est la preuve de la chasteté et de la pureté de cet homme. Radiyallahu anhu wa arda. Wa kana yakhafu Allah azza wa jalla wa yabki wa yuhasibu nafsahu. Radiyallahu anhu wa arda. Kana muhasiban li nafsi. Wa yabki min khashyati Allah. Radiyallahu anhu wa arda. Il pleurait beaucoup par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il avait beaucoup peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se faisait ses comptes à lui-même et à son nefs. عن هاني مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته فقيل له فاذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منها فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه هاني السيرفيتور دو عثمان رضي الله عنه وارضاه الحديث إليه أوتنتيفيه روندي بون بار شيخ ناصر رحمة الله عليه إلي شي الحاكم أوسي إلي دون سنن الترمذي دي عثمان بن عفان كنت إلي تي أون فاس دون توم إي بلوري جوسكا مويي سا بارب إي لوي دي يا عثمان Tu parles du paradis, tu parles de l'enfer et tu parles et tu pleures pas. Et quand tu es en face de ça, en face de la tombe, tu pleures. Et dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe, c'est la première étape de l'au-delà. C'est la première étape de l'au-delà. Et si la personne est épargnée du châtiment de la tombe, ce qui va arriver après va être facile. Ici, il n'est pas sauvé du ski dans la tombe, parce qu'il va arriver, c'est plus difficile. C'est ce qui le faisait pleurer, radiyallahu anhu wa arda. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi ma ra'aytu mandaran illa wal qabr afdha'a minhu. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idha faragha min dafn al-mayyit, waqafa alayhi thumma qala, استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل هذا الذي جعل عثمان بن عفان يبكي بكاء شديدا حتى تبتل لحيته وكان وقافا عند النصوص وكان فهاما لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يوسيل ستيل دي الرسول صلى الله عليه وسلم Par Allah, je n'ai pas vu une situation plus difficile que la situation de la tombe. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Uthman ibn Affan, ne de nous dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il termine d'enterrer quelqu'un, il reste debout et il dit à ses compagnons, faites des du'as à votre frère, car maintenant, faites des du'as qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rafferme, parce que maintenant, il subit l'épreuve de la question. Maintenant, les questions lui sont posées. Faites-lui des du'as que Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. C'est ce qui a fait que Uthman ibn Affan radiallahu anhu pleure beaucoup jusqu'à mouiller sa barbe. Il comprenait le sens des mots. Il comprenait ce que disait le messager d'Allah comme les autres nobles compagnons radiallahu anhu wa ardahum. Faziyaratu al-qubur amruha amrul azim. Zourul qubur. فإنها تدمع العين وترقق القلب وتذكر بالآخرة آخر الإسلام لكن يجب أن تكون الزيارة زيارة المعتبر أنك ستكون في ذلك المكان أنك ستكون في ذلك المكان وأنه أول منازل الآخرة فيجب أن نستعد كيف نضيع أوقاتنا والموت وراءنا لا ندري متى يكون الموعد مع ملك الموت والأوقات تضيع هكذا il faut qu'on visite les tombes frères en Allah Azza wa Jal car les tombes font pleurer et radoucissent les cœurs et nous rappellent le delà un homme est arrivé devant Aïcha radiallahu anha il lui a dit Aïcha mon cœur il est dur mon cœur c'est de la pierre que dois-je faire Il dit, visite les tombes, ça va adoucir les cœurs. Mais la visite des tombes, ça doit être la visite de celui qui se considère déjà parmi les morts. Il doit se dire, demain, tout à l'heure, à l'instant même, je vais être à la place de cet homme. Qu'on enterre ou là, de ceux, je vais être au milieu de ceux qui sont là dans ce cimetière. Pour que ça puisse avoir un impact sur le cœur. Des fois, il y a des situations qui sont désolantes. On fait la prière sur un mort, les gens ils sont dehors, et après, comme si rien n'était, on parle des choses de ce bas monde, le téléphone, hein, on règle les rendez-vous, et ainsi de suite. Et après, tu viens prier sur un mort. Et l'acte que tu as fait, peut-être tout à l'heure, on le fera à ta place. On va te le faire. Hein? Et on rentre dans le cimetière, tout en discutant des choses banales de ce bas monde. Et ceci est très dangereux. Ça veut dire que cette visite n'est pas une visite avec laquelle on prend la leçon. Et des fois, tu vois des situations, les gens, ils te ramènent à mort, ils restent dehors. Pour moi, ça ne les concerne pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يكون موقفنا هنا عند هذا الحد إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rendez-vous demain إن شاء الله pour la deuxième partie à 10h du matin بإذن الله Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère qui possède un relais espace marron immatriculé en 38 est prié de bien vouloir venir à la salle de conférencier dans le pouvoir d'Afrique pour le projecteur de se déplacer à la salle de conférencier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un relais espace marron. Thank you. C'est quoi le site ?